2010 et à 448 en 2011. Mm-hmm. Et pour les 8 premiers mois de 2012, là, on a atteint 339 qui ont été tués pour leur corne, ce qui préfère probablement de 2012 l'année la plus meurtrière mm-hmm. depuis qu'il existe des statistiques là, sur parce le sujet. Encore terminé, là. C'est ça. Et à ce rythme-là, ben on met en garde que le nombre de morts par année risque de dépasser le nombre de naissances. Donc, ça va être très problématique. Et l'espèce s'engagerait alors sur une voie d'extinction presque inexorable. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'espèce se voit grandement menacée. Effectivement, parce qu'elle a frôlé l'extinction au cours des 19e et 20e siècles. Il y avait beaucoup de chasse sportive, carrément, on pourrait dire. Et les rhinocéros, là, ils ont vraiment passé proche de l'extinction. Il faut distinguer qu'il y a les rhinocéros blancs et noirs, c'est deux sous-espèces africaines, puis ils ont pratiquement été exterminés à cette époque-là. En fait, on les tue pour leur corne. C'est comme si la corne de rhinocéros valait plus cher que l'or. C'est effectivement le cas, parce que selon la taille d'une corne, ça peut se vendre, selon certaines sources, entre 25 000 et 200 000 euros, ou même 50 000 euros le kilo. Donc, c'est vraiment énorme. Oui. Et c'est surtout sous forme de poudre que la corne va être utilisée. Elle est utilisée supposément pour combattre le cancer, la fièvre, et pourrait même être aphrodisiaque. Ah bon, okay. Bon, la liste des soi-disant propriétés guérissantes est vraiment longue dans la médecine traditionnelle et asiatique, mais pourtant, l'appendice nasal du rhinocéros est composé exclusivement de kératine. Et c'est la même chose qu'on a dans nos ongles et nos cheveux. Oui, c'est fait. Fait que là, vous pouvez vous ronger les ongles, déculpabilisez-vous, c'est bon pour la santé. Il ne tue pas de rhinocéros. C'est ça. Et cette potion magique-là, qui est faite avec la corne broyée, aurait donc à peu près autant d'effet que si vous faisiez une potion avec vos cheveux ou les poils de votre chien. La corne de rhinocéros a aucune propriété thérapeutique qui est éprouvée. Okay. Contrairement à ce que prétend la médecine chinoise. Pourtant, le braconnage de rhinocéros semble être une affaire lucrative et très bien organisée. Oui, c'est vraiment très bien organisé. Ça se fait souvent même avec la complicité de gens sur place. Là. On parle de gardes forestiers, pas forestiers, mais de gardes de parc, de vétérinaires, toutes sortes de choses comme ça. En février, pour vous donner une idée, là, il y a 4 rangers du parc Kruger qui ont été arrêtés en Afrique du Sud. C'est un parc très important. Et puis là, ils vont pas de main morte. Ils sont abattus carrément à l'arme lourde. Là. On parle de AK-47. À l'aide d'hélicoptères, de GPS, là, full équipé. Là. Et ce qui est dommage, c'est que les animaux qui ont pas été tués pendant l'assaut, ben, tu sais, ils peuvent couper la corne sans tuer l'animal, ben, il va finir par mourir de sa blessure presque automatiquement. Ah bon? Et okay. S'il s'agit d'une femelle, ben, là, son petit va mourir peu après, faute de soins. Donc, c'est vraiment très, très grave. Récemment, on observe de plus en plus de morts qui sont dues à des tirs de fusils de très gros calibre, là, qui sont utilisés par des professionnels de la faune sauvage. Donc, c'est pour ça qu'on se doute qu'il y a de la complicité. Et il y a des indices de passage d'hélicoptères, comme je le disais. Donc, c'est un marché qui est alimenté là, par des agents du secteur corrompu. Là. Puis là, ben, les gens cherchent des solutions dissuasives parce que là, il y a certains propriétaires de réserves. Ben, eux, ils n'ont pas les moyens d'engager l'armée là, parce que le parc national a pu le faire. Elle a d'ailleurs procédé à 192 arrestations cette année. Et là, ben, la solution, c'est soit que tu décornes toi-même tes rhinocéros. Bonne chance. difficile un petit peu à faire, là. Puis la corne, elle va repousser aussi. Puis certains même vont injecter des colorants ou des substances toxiques dans les cornes. Mais là, le gouvernement vietnamien, on pourrait dire que le Vietnam est le pays où les cornes sont les plus exportées. Donc là, les gens se plaignent que le gouvernement vietnamien prend pas cette crise-là assez au sérieux. Et il y a même, tu sais, des pressions qui sont exercées là, par la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Mais le Vietnam, ça demeure le seul pays au monde où les bols qui servent à broyer les cornes est encore vendu en masse. Ah, bon. Puis c'est pas illégal. Si le gouvernement acceptait de marginaliser cette pratique-là, là, probablement que ça aiderait à diminuer d'un la mauvaise image que le Vietnam a à cause de ça, là. Puis aussi la consommation des cornes. Là. Mais malheureusement, c'est pas le cas du tout. Là. Tu parles du Vietnam, mais j'aurais pensé que c'était plutôt les Chinois qui utilisaient la corne du rhinocéros. Et je croyais qu'il lui prêtait certaines vertus aphrodisiaques en plus. Oui, ben la Chine était autrefois très grande consommatrice de ce produit-là. Elle a réussi assez bien là, maintenant à faire respecter l'interdiction de vente et de trafic de cornes. Et comme je disais, là, la demande vient vraiment principalement du Vietnam. Puis dans ce pays-là, la corne, comme je le disais, se consomme sous forme de poudre. Là. Il y a des gens là, dans les soirées qui se font des cocktails avec ça. Là. C'est très populaire parce qu'ils pensent que ça va les aider à se remettre là, de lendemain de veille ou que ça a encore des propriétés aphrodisiaques, toutes sortes de choses. choses bizarres. Ils pensent aussi que ça facilite la détoxication du corps. Donc, si tu as eu une grosse soirée, le lendemain, tu risques de mieux filer, selon cette croyance. Ah bon, mais okay. Puis les croyances ont la vie dure, là, parce que il y a même, tu sais, des spécialistes de médecine traditionnelle vietnamienne qui disent, là, la corne de rhinocéros, là, c'est vraiment bon pour guérir le cancer. Il y a des gens qui se font avoir avec ça, puis qui croient dur comme fer que ça les a sauvés ou que ça va les sauver. Puis il y a une énorme liste d'attente de plusieurs mois pour acheter des cornes. Mais comment faire pour faire cesser ce braconnage? Ben là, afin de sauver les rhinocéros... ouais, mais c'est quasiment ça, là. Ben là, il faudrait que les organisations criminelles là, qui opèrent entre l'Afrique du Sud et le Vietnam soient vraiment mises hors d'état de nuire pour de bon. Ouais. Ça, c'est très difficile de faire ça. Ouais. Le Vietnam devrait suivre l'exemple peut-être de l'Afrique du Sud, puis commencer à envoyer des braconniers, des commerçants, puis les contrebandiers en prison, ce qu'elle ne fait pas vraiment. Il est vraiment temps d'agir parce que la situation est très grave. Là, au rythme où va le braconnage, les experts prédisent qu'il n'y aura plus de rhinocéros en Afrique du Sud dans environ 40 ans. Mm-hmm. Donc, la sonnette d'alarme est sonnée. Il faut c'est prendre fait. La menace au sérieux. Oui, oui. Puis, il faut aussi que les gens là-bas soient sensibilisés que ça n'a aucune vertu thérapeutique. Là, ouais, c'est ça. Parce que c'est part de là, le besoin, en fait. Puis, c'est ça, le problème. Et des fois, ces croyances-là sont ancrées. Hein, oui, c'est durement, puis hein. En plus, là, avec la croissance économique que l'Asie vit, tu sais, les gens ont plus d'argent, ben là, ils achètent plus de choses de ce genre-là qui coûtent cher. Là. Tu sais, je lisais un article qui disait que là, les mères, ils soignent leurs enfants contre la fièvre. Là, ils ont plein de produits chez eux. Et la poudre de corne de rhinocéros, c'est sûr que ceux qui ont un peu d'argent en ont, parce qu'ils savent qu'en dernier recours, c'est le remède miracle. Traditionnel. C'est ça. Donc là, c'est une croyance qui est vraiment très en vogue. Puis le problème vient aussi là, pour le traitement du cancer ou la prévention du cancer. Tu sais, quand on pense que c'est fait avec à peu près la même chose que des cheveux, j'ai de la misère à comprendre comment des gens peuvent penser qu'ils peuvent guérir du cancer avec ça. Là. Donc, c'est vraiment un problème majeur qui est... Il y a un problème de sensibilisation puis oui. D'éducation aussi. Exactement. Là. Donc, en tout cas, je pense que c'est en parlant le plus possible que ça peut peut-être aider à faire changer les mentalités, là, en plus d'essayer de pousser le gouvernement à faire des interdictions le plus possible. Là. Effectivement. Alors, c'est un peu moins drôle que les histoires de Geneviève, mais il faut aussi connaître les mauvaises histoires si on veut qu'un jour qu'elles soient résolues. Ben oui. Alors, merci Mélanie. Ça fait plaisir. Pour cette très belle, en fait, histoire. Et maintenant, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89.1.